guitar George, he knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make you cry or sing. Said an old guitar is all you can't afford. Vous m'entendez là? Normalement, c'est bon. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the harp. Je sais pas comment baisser mon son. Saving it up right at night. With the salted. J'y vais pour moi, mais j'y vais pas pour toi. Attendez, bah vas-y seul, je m'en bats les couilles, alors arrête de me prévenir et casse-toi, vas-y. Juste, je te le dis, juste. D'accord, bien seul. D'accord. Comment je baisse mon son? Pourquoi le master toujours en tombé? Le master. Vous m'entendez là? Quelqu'un m'entend? Mais moi j'entends plus personne. I hear nobody. Play, maybe.